épargne pas nos sourires. J'rêve de paix, de voir enfin les portes s'ouvrir. Dur de trouver le bon départ, on nous empêche de tout dire. L'innocence est morte dans un soupir. Leurs guerres ne sont pas les nôtres, n'épargne pas nos sourires. J'rêve de paix, de voir enfin les portes s'ouvrir. Dur de trouver le bon départ, on nous empêche de tout dire. L'innocence est morte dans un soupir. J'ai voulu taper du poing sur la table, partager mes peines, crier. J'ai mis trop de gains sur la cape, plus d'un poil sur ma patte. Alors j'ai vendu de la frappe, trahi par un vendu de malfrat. Parce que la liberté m'a battu, j'en ai perdu mon souffle. J'ai honte et je narque, si on passe notre temps à se plaindre, c'est rare qu'au vertu on s'ouvre. Honte d'avoir une place sur scène, honte d'avoir autant parlé des miennes alors que tant de blessures saignent. Rap et nos palafres, c'est ma raison de vivre. Pour débloquer les âmes qui se baladent dans les maisons vides. Depuis que je sais qu'une femme a lacéré son fils, je mets de l'eau sur les flammes puisque le diable a scellé son fils. On pourrait nourrir la France avec 10 riches, épargner la souffrance, mais c'est la finance qui dirige. Amers sont vos doigts, les pirates inalba. Fils de la mer et des étoiles comme Diana dit l'alba. Leurs guerres ne sont pas les nôtres, n'épargne pas nos sourires. J'rêve de paix, de voir enfin les portes s'ouvrir. Dur de trouver le bon départ, on nous empêche de tout dire. L'innocence est morte dans un soupir. Leurs guerres ne sont pas les nôtres, n'épargne pas nos sourires. J'rêve de paix, de voir enfin les portes s'ouvrir. Dur de trouver le bon départ, on nous empêche de tout dire. L'innocence est morte dans un soupir. J'ai griffonné des pages avec beaucoup d'envie, d'espoir et de partage, l'envie de me sentir en vie. Le monde est vaste, alors chaque course en est une. Je laboure les contrastes, chaque route en est une. L'humain se fait peur à lui-même, c'est grave, on se moleste, on bat. On se perd dans des vies de merde qui nous correspondent pas. L'État nous délaisse, nous descend pour ajourner la peine. Y'a que le PLS d'intéressant dans la journée d'appel. Sens-tu la misère du Bangladesh? Paradoxal comme squatter en bas de la tête pendant qu'on se plaint de la dèche. Ça tourne pas rond chez nous, tu sais que c'est vrai. Suffit de voir les belles plumes que le succès fraîche. Y'a qui pour ramasser les jeunes quand la télé déborde. La mort, j'en ai guetté les corps, j'aspire à péter les portes. Amers sont vos doigts, les pirates inalba. Fils de la mer et des étoiles comme Diana dit l'alba. Leurs guerres ne sont pas les nôtres, n'épargne pas nos sourires. J'rêve de paix, de voir enfin les portes s'ouvrir. Dur de trouver le bon départ, on nous empêche de tout dire. L'innocence est morte dans un soupir. Leurs guerres ne sont pas les nôtres, n'épargne pas nos sourires. J'rêve de paix, de voir enfin les portes s'ouvrir. Dur de trouver le bon départ, on nous empêche de tout dire. L'innocence est morte dans un soupir. Quelle est ma part de responsabilité? Et qui pourrait faire que je me sente coupable du fait que la qualité de ma vie est aussi mauvaise? C'est-à-dire que me plaindre, c'est une façon d'éviter d'aller regarder à l'intérieur de moi ce qui dysfonctionne, ce qui n'est pas cohérent. Tout ce qui n'est pas conscient va à un moment donné se manifester par un retour de balancier comme le destin ou la fatalité. Et c'est là que nous allons nous plaindre, évidemment, en ne comprenant pas que nous sommes la plupart du temps à l'origine des malheurs qui nous touchent et qui nous terrassent.